toutes les couches sociales sud-coréennes admirent vivement le maréchal Kim Jong-un, qui emprunte le chemin en faveur de l'affection pour le peuple, pour transformer le nord de la Corée en puissance socialiste qui réalise les rêves et idéaux du peuple. Dans leur site, des formations de tous les paliers ont écrit comme ce qui suit. Ce qui est intéressant, c'est que le président Kim Jong-un fait remarquer toujours le peuple dans les activités d'État et converge tout aux tâches internes pour l'amélioration de la vie du peuple. Et le président Kim Jong-un s'intéresse aux inspections des secteurs économiques et de la vie du peuple, et cela vise à aboutir à un développement économique suivant le jugement d'avoir pleinement montré la capacité nucléaire. Des agences de presse et journaux ont présenté spécialement les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal qui continue sans cesse le chemin pour l'amour du peuple, sous les titres comme « Compréhension de l'époque Kim Jong-un »,« Politique familière » et « Inspection à destination du peuple ». Les habitants disent que nos compatriotes sont fiers du président Kim Jong-un, nouveau patriote sans égal, pratiquant la politique pour la population, et qu'il est légitime que les habitants du Nord respectent et suivent de bon cœur le président Kim Jong-un comme incarnation de l'amour et dirigeant suprême du parti, de l'armée et de la population.